C'était un curieux personnage que ce Gaston Leroux. Nous le croisâmes souvent sur nos routes de reportage et nous vîmes souvent nous asseoir côte à côte sur les bancs de justice, non comme délinquants l'un et l'autre, mais comme chroniqueurs judiciaires. Il représentait majestueusement le type du bon gros, rond partout, l'aspect, disait Henri Janson, d'un type qui aurait avalé la sphère. Son poids semblait devoir le fixer à jamais sur quelques sièges dans l'immobilité. Pourtant, il était capable de se démener mieux que beaucoup d'autres dès que sa curiosité le poussait. Ce fut ainsi que, comme l'un des héros de ses romans, qui est d'ailleurs lui transposé, le fameux Rouletabille, il parcourut à peu près toute la terre pour rendre compte de quelques importants événements, le monde commençant à bouger dangereusement. Né à Paris le 6 mai 1868, il passe une grande partie de son enfance en la ville d'Eu, son père, entrepreneur de travaux publics, ayant été chargé d'y restaurer le château sur les plans de Viollet-le-Duc. Il fait ses études au collège, il est presque toujours premier, il achève sa scolarité à Caen, seul candidat de sa session auquel fut attribuée la mention « bien ». Licencié en droit à Paris, il est inscrit au barreau de la cour d'appel, mais cette activité ne le tente qu'à moitié. Il rêve de déplacement, il voudrait devenir grand reporter. Rouletabille couve déjà dans ce gros garçon pétulant. Il débute dans la presse à l'Écho de Paris. Il passe comme chroniqueur judiciaire au quotidien Paris, puis au Matin. Notre grande et toujours regrettée camarade Séverine le peint ainsi vers 1892. Tout rond, tout jeune, la figure poupine encadrée d'une barbe frisée châtain doré moussant autour d'un large sourire, les yeux pétillants de malice derrière les verres du lorgnon et dont le mélange de timidité vaincue et d'irrévérence réfrénée interloquait assez ceux des doyens de la presse judiciaire qui, au contact des magistrats d'antan, avait gagné un peu le mal de la solennité. Elle le montre même dans un banquet, chantant une chanson de son cru, piquante à souhait, délicieusement subversive. Plus l'auteur témoignait d'audace, plus il devenait écarlate, rougissant comme une jeune fille jusqu'aux oreilles de sa hardiesse et de son succès, affolée à un tel point par les bravos que, perdant la tête et son lorgnon, il envoyait des baisers au plus vénérable des chers maîtres. Il avait alors 22 ans. Faut-il parler de la période intermédiaire d'homme d'affaires entre celle d'avocat, à 18 ans il prononce sa première harangue à la conférence Potier, et celle de journaliste? Ma foi oui. Elle est, comme on dit, courte et bonne. Il vient justement d'hériter d'un joli million or. Il achète aussitôt 3 caboteurs chargés de pots. Il les revend avec un énorme bénéfice, mais le soir même, claque tout dans une infernale partie de poker avec son vendeur. Gabriel Royard, journaliste et écrivain, le 16 avril 1957 sur la chaîne Nationale. Demain, à la même heure, troisième épisode du mystère de la chambre jaune.